Chapitre 13. Où l'on parle pour la première fois de Maître Loïs. L'endroit du mont où se trouvait maintenant Reine de Maurevert était à peine assez large pour qu'une personne pût s'y asseoir à l'aise. Immédiatement au-dessus s'élevait la grande plateforme du château que surmonte la basilique. Reine avait à sa gauche les murs inclinés de la Montgomery, par où l'on monte au cloître et à toute cette partie des bâtiments appelée la merveille. Il y avait un archer de garde dans la guérite de pierre qui flanquait la plateforme. Reine le savait, ce n'était pas la première fois qu'elle venait là. Elle savait aussi que la consigne des archers était de tirer sans crier gare, partout ils apercevaient un mouvement dans les rochers. Cette consigne, soit dit en passant, n'était point superflue, car les Anglais tentèrent plus d'une fois en ce siècle de s'introduire nuitamment et par trahison dans l'enceinte du couvent forteresse. Reine de Maurevert, dans sa vie ordinaire, était une enfant timide, mais Reine avait le cœur d'un chevalier quand il s'agissait de bien faire. La mort, elle n'y songeait même pas. C'était chose convenue avec elle-même que dans ses courses hasardeuses, la mort était partout, sur les grèves comme autour du mont. Les sables mouvants, la mer, les balles ou les carreaux des arbalétriers, tout cela tue. Reine bravait tout cela. Nous sommes au siècle des vierges inspirées, des dentelles de granit et de splendides cathédrales. Jeanne d'Arc, une autre jeune fille possédée de Dieu, venait d'accomplir le miracle qui reste comme un diamant éblouissant dans l'écrin de nos annales. Jeanne d'Arc, que Voltaire a insultée, afin qu'aucun honneur ne manquât à la mémoire de Jeanne d'Arc. La pauvre reine n'était point une Jeanne d'Arc. Peut-être que son bras eût fléchi sous l'armure, mais elle n'avait pas un trône à sauver. Sa force était à la hauteur de son dévouement modeste. La vengeance du duc François la faisait plus pauvre et plus dénuée que la plus indigente parmi les filles des vassaux de son père. Elle n'avait plus à donner que sa vie. Elle donnait sa vie, simplement. Nous allions dire gaiement. C'était une jeune fille, ce n'était rien qu'une jeune fille, supportant sa peine avec courage, mais aspirant ardemment au bonheur. Aubry était bien le fiancé qu'il fallait à cette blonde enfant des grèves. Brave comme un lion, vif, bouillant, sincère, un vrai chevalier en herbe. Il y avait 15 jours qu'Aubry était captif. François de Bretagne l'avait fait arrêter le soir même de l'événement raconté aux premières pages de ce livre. Depuis lors, Aubry n'avait vu que le frère Convert, chargé de lui apporter sa provende, et Reine, qui était venue parfois le visiter. La fenêtre de son cachot était taillée de façon à ce qu'il ne pût apercevoir que le ciel. Le sol où il reposait restait à 6 pieds au-dessous de la fenêtre meurtrière. Ce cachot avait été creusé avec 3 autres pareils sous la plateforme par Nicolas Famigo, ancien prieur claustral, et 24e abbé de Saint-Michel. L'intérieur était tout roc. Le dessus de la porte avait un carré taillé au ciseau dans la pierre, avec la date AD 1276. Les ouvriers, en creusant cette cellule carrée dans le roc vif, avaient ménagé un petit cube de granit destiné à soutenir la tête du prisonnier. À part cette attention, les 4 cachots étaient entièrement nus. Ce fut quelques années plus tard seulement que Louis XI, le roi démocrate, s'arrêta émerveillé à la vue de ces prisons modèles. Louis XI savait les dangers de la guerre qu'il avait déclarés à ses grands vassaux. Il aimait les cachots bien établis. Le Mont-Saint-Michel, lui, plut au-delà de tout dire. Il y revint, et il utilisa du mieux qu'il put ces cachots si recommandables. À l'époque où se passe notre histoire, aucun captif politique n'avait encore illustré les dessous du Mont-Saint-Michel. Ces cachots étaient bonnement le pénitentiaire du couvent. On y mettait des moines ou des vassaux de l'abbaye. Il avait fallu la requête du duc François pour qu'Aubry de Kergariou y pût trouver place. Par une autre grâce spéciale, le frère gardien avait été autorisé à lui délivrer 4 bottes de paille, de sorte qu'Aubry était à son aise. Au moment où la voix de Reine se fit entendre sur la petite saillie qui était sous la fenêtre meurtrière, Aubry dormait couché sur la paille. Mais le sommeil des captifs est léger. Il ne fallut qu'un appel pour mettre Aubry sur ses pieds. D'un bond, il atteignit l'appui de la meurtrière et s'y tint suspendu. Pauvre Aubry, dit Rennes, et ils causèrent. Au bout de quelques minutes, la main droite d'Aubry, qui tenait l'appui de la meurtrière, lâcha prise parce qu'elle commençait à s'engourdir. Ses pieds touchèrent le sol et rebondirent. Sa main gauche saisit l'arête de granit et supporta tout le poids de son corps à son tour. Vous souvenez-vous de Maître Loïs, Reine, dit-il. Votre beau lévrier noir? Oui, mon beau lévrier, mon pauvre ami si cher. Reine convint que Maître Loïs était un parfait lévrier. En ce moment, Aubry disparut pour reparaître aussitôt après, et cette fois ce fut sa main droite qui saisit l'appui de la meurtrière. Il est bien heureux, ce Maître Loïs, dit Reine en riant. Cela vous étonne que je pense à lui? Demanda Aubry. Quand vous serez ma femme, Reine, vous verrez comme il vous aimera. Mais vous ne pouvez pas l'aller chercher à Dinan. J'ai un messager tout trouvé, interrompit Reine. Elle songeait au petit coquetier Jeannin, qui avait de si bonnes jambes. Oh, merci, merci, s'écria Aubry avec chaleur. Il me semble que rien ne me manquerait ici, si je savais que mon beau Loïs est en bonne main et traité comme il faut. Mais parlons de vous. Y a-t-il du nouveau? Reine secoua la tête. Il y a que le pays est rempli de soldats, répondit-elle. Nous aurons de la peine à nous défendre et à nous cacher désormais. Hier, on a crié la somme promise à qui livrera la tête de mon père. Elle n'est pas encore gagnée, cette somme-là, Dieu merci. Ils sont nombreux, une douzaine d'hommes d'armes, sans compter le chef qui est un chevalier, et beaucoup de soldats. Ah, dit Aubry, notre seigneur François a trouvé un chevalier pour s'avilir à ce métier-là? Il n'en a pas trouvé, répliqua Rennes. Il en a fait un. À la bonne heure? Et quel est le croquant? Un de vos parents, Aubry. Mais Loire? S'écria le jeune homme avec cette indignation mêlée de mépris qui ne peut tuer tout à fait le sourire. Mais Loire? Mon rival, vous savez, Rennes. Rennes se redressa. Oh, ne vous offensez pas, il était bon autrefois, mais vous verrez qu'il sera pendu quelque jour comme un vilain si je ne lui donne pas de ma dague dans la poitrine. Pauvre Aubry, dit Rennes, entre sa poitrine et votre dague, il y a loin. Aubry disparut comme si cette observation, cruelle dans sa vérité, l'eût foudroyé. Ce n'était que sa main droite qui se fatiguait. Ces plongeons soudains du pauvre prisonnier mettait le comble à la bizarrerie de cette scène, où la gaieté de deux cœurs vaillants et jeunes luttait presque victorieusement contre une profonde détresse. Quand la tête d'Aubry se remontra, Reine vit qu'il secouait ses cheveux bouclés avec colère. « Patience, dit-il, je sais que je ne suis bon à rien, mais je payerai toutes nos dettes d'un seul coup, si Dieu le veut. » « Revenons à vous, Reine, vous parliez de la suite de ce coquin de Méloire. Je disais que leur nombre m'épouvante, Aubry, et j'allais ajouter que le secret de la retraite de mon père n'est plus à moi. Comment? Vous auriez confié... À vous seul, Aubry, interrompit la jeune fille. Et si j'ai eu tort, ce n'est pas vous qui devez me le reprocher. Mais il y a deux nuits, en traversant la grève, j'ai vu qu'on me suivait. Je suis revenu sur mes pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour tromper cette surveillance. J'ai cru avoir réussi. Je me trompais. En mettant le pied sur le roc de Tomblaine, j'ai revu la grande ombre maigre et difforme qui sortait du brouillard en même temps que moi. Vous avez reconnu l'espion? Oui, j'ai reconnu le Normand Vincent Geffès, qui habite depuis quelques mois sur le domaine de Saint-Jean-des-Grèves. Est-ce un brave homme? On dit dans le village qu'il vendrait bien son âme pour un écu. Aubry garda le silence. Il y en a encore un autre, poursuivit Rennes, mais celui-là est un enfant loyal et dévoué. Je ne crains que Geffès. Vous souvenez-vous, Aubry, reprit-elle encore après une pause. La semaine passée, nous étions tout pleins d'espoir. Nous nous disions, notre peine ne durera au pis-aller que 40 jours, puisque François de Bretagne n'a plus que 40 jours à vivre. Dieu m'est témoin que je prie chaque soir pour que Monseigneur le Duc se repente et non pas pour qu'il meure. Mais enfin, ce sont là des choses que mes prières ne changeront point. Monsieur Gilles a dit, dans 40 jours. Je l'ai entendu. Sa voix mourante sonne encore à mon oreille. Aujourd'hui 2 semaines sont écoulées. Nous n'avons plus que 25 jours de peine. Nous parlions ainsi. Eh bien, Aubry, mon espoir s'en va. Ne dites pas cela, reine, ou vous me ferez devenir fou dans cette cage maudite. Hélas, continua mademoiselle de Maurevers, un vieillard et une jeune fille pour combattre tant de soldats. Je ne vous ai pas tout appris. Si Vincent Gueffès ne nous vend pas, ils sauront se passer de lui. Avez-vous entendu parler, Aubry, de ces lévriers qui chassent les naufragés sur les grèves d'Authierne et de Douarnenez autour des rochers de Penmarche? Méloir attend 12 de ces lévriers. Le misérable! S'écria Aubry. Demain, en traversant la grève pour porter le repas de mon père, acheva Rennes, je serai chassé par la meute de Rieux comme une bête fauve. La main d'Aubry se tendit jusqu'au barreau qu'il secoua avec furie. Le barreau, scellé dans le roc, ne remua même pas. Il faudra bien qu'il cède, râla le pauvre porte-bannière, emporté par un accès de délire. Je l'arracherai, oh, je l'arracherai, et si je ne peux pas, j'userai le roc avec mes ongles. Reine, je mourrai enragée dans ce trou maintenant, et si le vent m'apporte cette nuit les cris de cette meute infernale. Il n'acheva pas, un gémissement sortit de sa poitrine. Sa main ensanglantée lâcha du même coup le barreau et l'assaillit de pierre. Reine l'entendit tomber comme une masse au fond du cachot. « Aubry !» dit la jeune fille effrayée. Point de réponse. « Aubry !» murmura-t-elle encore. Elle n'osait élever la voix à cause de l'archer qui veillait sur la plateforme. Aubry garda le silence. Reine joignit ses mains et sa prière désespérée s'élança vers le ciel. « Mon Dieu, et vous, Sainte Vierge ! » dit-elle. « Ayez pitié de nous !»« Aubry !» murmura-t-elle pour la troisième fois. « Revenez, revenez. J'ai été à Dole, je vous apporte une lime d'acier. » Ces mots n'étaient pas achevés que la tête d'Aubry rayonnait à la meurtrière. « Une lime ? » s'écria-t-il, délirant de joie, comme il délirait naguère de douleur. « Une lime d'acier ? Nous sommes sauvés, reine, sauvés, sauvés !» Un bruit rauque se fit à l'intérieur de la cellule qui s'illumina soudain. « Baissez-vous !» murmura Aubry, qui se laissa choir aussitôt. Reine obéit. Elle avait eu le temps de voir à l'intérieur du cachot une tête chauve dont le front plombé recevait en plein la lumière d'une lampe.